Le second ne sert à rien. Probablement que les années passées par l'ancien patron à comptabiliser ses bénéfices ou pertes ont dû laisser leur empreinte dans la pierre. La pièce a gardé une sorte d'aura malsaine, celle du capitalisme foireux, des rêves d'expansion et de conquête de marché. Bref, on a laissé en plan. Si un jour un punk nain ou un schtroumpf anarchiste demande l'asile politique, on pourra toujours l'y loger. Au premier et au deuxième étage, deux fois deux grandes pièces aménagées en chambres. Eva d'un côté, Kropotkin de l'autre pour le premier, deux spies et fonce-dé dans l'une et manche-poubelle dans l'autre pour le second. Il y avait de la place au troisième pour une autre chambre, voire deux, mais deux spies et fonce-dé sont inséparables depuis leur première année de lycée. Le troisième étage, mansardé, sert de salle de cinoche à manche-poubelle qui a installé un écran presque géant. On peut aussi y jouer à des jeux vidéo complètement cons, mais ce n'est pas très intéressant quand on n'est pas défoncé. Quant à la cave, il est prévu d'y installer un studio, afin que tous puissent exprimer leur potentiel créatif, accompagné du message sociopolitique qui va bien. Pour l'instant, elle sert d'un côté à stocker les binous et bouteilles d'alcool chourées ici et là, de l'autre à l'exploitation agricole miniature de manche-poubelle, qui est un sacré paysan underground quand il s'agit de faire pousser de la weed sous les ultraviolets. De l'autre côté de la cour, deux ateliers. L'un parallèle à la maison, l'autre formant un angle droit avec le premier. C'est dans ce dernier que Glandouille et Pustule ont pris leur quartier avec leurs trois clébards, et les puces qui vont avec. En bon punk à chien, ils vivent avec leurs chiens, font la manche avec leurs chiens, dansent le pogo avec leurs chiens, se mettent leur race tandis que leurs chiens bouffent d'autres chiens, puent autant que leurs chiens, dorment avec leurs chiens, baisent avec leurs chiens, enfin non, pas avec leurs chiens, avec leurs chiens à côté. Rien que du très classique. De toute façon, ils n'ont jamais prétendu être sur Terre pour innover. Ils se contentent de suivre le mouvement, tant que ce dernier se barre dans tous les sens. L'autre atelier, bien plus spacieux, sert de remise et d'atelier. On a aussi aménagé la mezzanine pour les potes de passage. Derrière ce large rectangle, un joli jardin, pas très grand, mais bien assez pour se faire des pow-wow lors des chaudes soirées d'été, et surtout pour faire pousser local et vraiment bio plein de trucs dont raffolent les végétariens. Et, en guise d'enceinte, un mur de près de 4 mètres de haut délimite le périmètre, ne s'interrompant qu'au niveau du très solide portail, renforcé ces dernières années dans l'éventualité d'une tentative d'expulsion. Une véritable place forte, isolée du monde, perchée sur les hauteurs de Ménilmontant. Au sud, la pente plonge vers Paris. Pas de vis-à-vis. Il y a bien un ancien entrepôt reconverti en loft, mais son toit se situe au niveau du rez-de-chaussée du squat. On a installé une solide planche, facilement rétractable, qui relie une des fenêtres du salon à ce toit, et permettra une évacuation en urgence si un jour la marée chaussée décide de prendre le bastion d'assaut. En attendant, ça sert à aller faire les cons au-dessus des lofts, et surtout de postes d'observation, vu que l'ancien entrepôt se prolonge jusqu'à la rue. Stratégiquement, c'est imbattable. On voit tout le quartier, depuis le bas jusqu'aux hauteurs de Ménilmontant. Et on peut même admirer le nuage de pollution qui bouffe l'air parisien quand la température augmente. Ainsi en est-il du collectif du 25, havre de paix et d'anarchie en retrait du monde. Son isolement a contribué à son oubli, hier et encore aujourd'hui, même si le bordel que foutent régulièrement leurs habitants a une certaine tendance à agacer le voisinage, qui pense que le côté bucolique et vallonné de cet ancien quartier de Paris doit pouvoir leur procurer les avantages de la ville et le calme de la campagne. Fin de l'aparté. Despie et Fonce-dé s'interrogent donc sur la raison du vacarme qu'ils entendent. Pas trop l'habitude du quartier. Les bagnoles, les klaxons, les sirènes de keuf, ça oui. Mais jamais à ce niveau d'intensité, quant au coup de feu. Deux possibilités pour en découvrir la cause. Sortir par devant le grand portail ou monter sur le toit des lofts. La deuxième solution est évidemment la meilleure, puisque la vue est imprenable et ils pourront s'installer dans les vieux transats en buvant de bière fraîche. C'est qu'il est déjà midi et qu'il fait un peu chaud. Donc, direction le toit. Et là, ils découvrent un spectacle qui les laisse sur le cul. La rue a été retournée. Des bagnoles dans tous les sens, des cadavres de scooters, des vitrines explosées. Ça, c'est la partie sympa. Le reste... Les trottoirs, comme la chaussée, sont envahis de mecs et de filles qui se bouffent entre eux et qui se jettent sur ceux qui essayent de fuir en hurlant de terreur et les déchirent avec leurs jolies dents. Des mecs et des filles ? Plutôt des cadavres ambulants, couverts de sang, de tripailles, la mâchoire ballante, la démarche fantomatique. Certains ont un bras en moins, une partie du torse arrachée, le bide éclaté, qui déverse des intestins visqueux, d'autres bondissent sur une jambe ou se traînent sur des moignons. une compagnie de spectres sanguinolents, atrophiés, l'œil hagard et les vêtements en charpie. Et chaque fois que quelqu'un tente de filer d'un bâtiment ou d'une bagnole immobilisée, des mains se tendent, accrochent le tissu, la chair et se referment pour tout déchiqueter. Certains fuyards réussissent à passer à travers la foule affamée, surtout quand ils ont choisi de suivre la pente dans le sens descendant. Ça aide pour piquer un sprint. Mais dès que l'un d'eux trébuche, il est immédiatement submergé par un amas grouillant qui s'excite à coups d'ongles et de mâchoires, dépeçant sa victime en meuglant, se disputant boyaux et bouts de barbac. Même s'ils n'ont pas spécialement d'affinité avec la population locale, celle qui a bouté jeunes et vieux marginaux, prolétaires et étrangers, hors de ce quartier pour installer leur utopie bobo, Despi et Fonce-Dé ont quand même un peu de mal. Je crois qu'on n'est pas encore redescendu du trip de la nuit dernière. C'est quand même vachement gore, j'ai pas l'habitude d'halluciner cannibalisme. Moi non plus. Et j'ai pas l'impression d'être encore défoncé. Moi non plus. Ce doit donc être réel. Reste à comprendre la raison de ce besoin subi de s'entre-dévorer. Despi penche pour l'explosion du réacteur nucléaire de nos gens sur scène. Il a dû péter l'air durant la nuit, et l'air est contaminé. Les radiations, ça nique les neurones en quelques minutes. Et les neurones niqués, ça peut transformer le plus soumis des citoyens en une bête sauvage. Il n'a pas vraiment de certitude sur ce qu'il avance. Mais c'est une possibilité. Il croit qu'il y a une chanson des Subhumans là-dessus. Enfin, il faudrait qu'il se repasse la discographie complète parce qu'il est peut-être en train de fabuler. « Tu te sens radioactif ?» lui demande Fonce-D. « Pas vraiment. »« Et pourquoi on serait pas atteint, nous ? T'as envie de me bouffer ?» Despi agite la tête négativement. Pas plus qu'il n'a envie d'aller se faire un trip steak tartare avec les autres allumés qui errent la gueule bavant de sang au milieu de la rue. « C'est peut-être de l'art ?» continue Fonce-D. « Genre une performance ? Un truc vraiment extrême ? Comme de peindre des scènes de déjeuner sur l'herbe avec des tripes de porc pour pinceau et de la bouse de vache comme peinture ? Du pur décadent conceptuel ?» Mais il n'est pas plus convaincu que ça. Le body art poussé jusqu'à l'autodestruction, c'était plutôt dans les années 70, un peu passé de mode. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande finalement Despi. « Ah, je sais pas. On va s'ouvrir une binouze ou deux au calme ? Ça roule. »